Exercice 2, page 83. A. Maintenant couché. B. C'est complètement faux. C. Ils vont voir la course. D. C'est un restaurant romain. E. Il a un problème avec son coude.